Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Errant et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Le cruel, de quel œil il m'a congédié, sans pitié, sans douleur au moins étudiée. L'ai-je vu se troubler et me plaindre un moment? En ai-je pu tirer un seul gémissement? Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes, semblait-il seulement qu'il eût part à mes larmes? Et je le plains encore. Et pour comble d'ennui, mon cœur, mon lâche cœur, s'intéresse pour lui. Je tremble aux seules pensées du coup qui le menace et prête à me venger. Je lui fais déjà grâce. Non, ne révoquons point l'arrêt de mon courroux, qu'il périsse aussi bien, il ne vit plus pour nous. Le perfide triomphe et se rit de ma rage. Il pense voir en pleurs dissiper cet orage. Il croit que, toujours faible et d'un cœur incertain, je parerai d'un bras les coups de l'autre main. Il juge encore de moi par mes bontés passées, mais plutôt le perfide a bien d'autres pensées. Triomphant dans le temple, il ne s'informe pas si l'on souhaite ailleurs sa vie ou son trépas. Il me laisse l'ingrat, cet embarras funeste. Non, non, encore un coup, laissons agir au reste. Qu'il meure, puisqu'enfin il a dû le prévoir, et puisqu'il m'a forcé enfin à le vouloir. À le vouloir? Et quoi? C'est donc moi qui l'ordonne? Sa mort sera l'effet de l'amour d'Hermione? Ce prince dont mon cœur se faisait autrefois avec tant de plaisir redire les exploits, à qui même en secret je m'étais destinée, avant qu'on eût conclu ce fatal hyménée, j'en ai donc traversé tant de mers, tant d'états, que pour venir si loin préparer son trépas. L'assassiner, le perdre, devant qu'il expire. Oh, qu'ai-je fait, Cléone? Et que viens-tu me dire? Que fait Pyrrhus? Il est au comble de ses vœux, le plus fier des mortels et le plus amoureux. Je l'ai vu vers le temple où son hymen s'apprête mener en conquérance sa nouvelle conquête. Et d'un œil où brillait sa joie et son espoir, s'enivrer en marchant du plaisir de la voir. Andromaque, au travers de mille cris de joie, porte jusqu'aux autels le souvenir de Troie, incapable toujours d'aimer et de haïr, sans joie et sans murmure. Elle semble obéir. Et l'ingrat, jusqu'au bout, il a poussé l'outrage? Mais as-tu bien, Cléone, observé son visage? Coûte-t-il des plaisirs tranquilles et parfaits? N'a-t-il point détourné ses yeux vers le palais? Dis-moi, ne t'es-tu point présenté à sa vue? L'ingrat a-t-il rougi lorsqu'il t'a reconnu? Son trouble avouait-il son infidélité? A-t-il jusqu'à la fin soutenu sa fierté? Madame, il ne voit rien. Son salut et sa gloire semblent être avec vous sortis de sa mémoire. Sans songer qui le suit, ennemi ou sujet, il poursuit seulement ses amoureux projets. Autour du fils d'Hector, il a rangé sa garde et croit que c'est lui seul que le péril regarde. Phénix même en répond qu'il a conduit exprès dans un fort éloigné du temple et du palais. Voilà dans ses transports le seul soin qui lui reste. Le perfide, il mourra! Mais que t'as dit Oreste? Oreste, avec ses Grecs, dans le temple est entré. Eh bien, à me venger, n'est-il pas préparé ? Je ne sais. Tu ne sais ? Quoi donc ? Oreste encore ? Oreste me trahit ? Oreste vous adore, mais de mille remords, son esprit combattu croit tantôt son amour et tantôt sa vertu. Il respecte en Pyrrhus l'honneur du diadème. Il respecte en Pyrrhus Achille et Pyrrhus même. Il craint la Grèce. Il craint l'univers en courroux. Mais il se craint, dit-il, soi-même plus que tout. Il voudrait en vainqueur vous apporter sa tête. Le seul nom d'assassin l'épouvante et l'arrête. Enfin, il est entré, sans savoir dans son cœur s'il en devait sortir coupable au spectateur. Non, non, il les verra triompher sans obstacle. Il se gardera bien de troubler ce spectacle. Je sais de quel remords son courage est atteint. Le lâche craint la mort, et c'est tout ce qu'il craint. Quoi ? Sans qu'elle employât une seule prière, ma mère en sa faveur arma la Grèce entière. Ses yeux, pour leur querelle, en 10 ans de combat, virent périr 20 rois qu'il ne connaissait pas. Et moi, je ne prétends que la mort d'un parjure, et je charge un amant du soin de mon injure. Il peut me conquérir à ce prix sans danger. Je me livre moi-même et ne puis me venger. Allons, c'est à moi seul à me rendre justice. Que de cris de douleur le temple retentisse, de leur hymen fatal troublons l'événement, et qu'ils ne soient unis s'il se peut qu'un moment. Je ne choisirai point dans ce désordre extrême. Tout me sera, Pyrrhus, fût-ce Oreste lui-même. Je mourrai, mais au moins ma mort me vengera. Je ne mourrai pas seul, et quelqu'un me suivra. Madame, c'en est fait, et vous êtes servie. Pyrrhus rend à l'autel son infidèle vie. Il est mort ? Il expire, et nos Grecs irrités ont lavé dans son sang ses infidélités. Je vous l'avais promis, et quoique mon courage se fît de ce complot une funeste image, j'ai couru vers le temple où nos Grecs dispersés se sont jusqu'à l'autel dans la foule glissés. Pyrrhus m'a reconnu, mais sans changer de face, il semblait que ma vue excita son audace, que tous les Grecs bravés en leur ambassadeur dussent de son hymen relever la splendeur. Enfin, avec transport, prenant son diadème, sur le front d'Andromaque, il l'a posé lui-même. « Je vous donne, a-t-il dit, ma couronne et ma foi, Andromaque, régnez sur l'Épire et sur moi. Je voue à votre fils une amitié de père, j'en atteste les dieux, je le jure à sa mère. Pour tous mes ennemis, je déclare les siens, et je le reconnais pour le roi des Troyens. » À ces mots qui du peuple attiraient le suffrage, nos Grecs n'ont répondu que par un cri de rage. L'infidèle s'est vu partout enveloppé, et je n'ai pu trouver de place pour frapper. Chacun se disputait la gloire de l'abattre. Je l'ai vu dans leurs mains quelque temps se débattre, tous sanglants, à leur cou vouloir se dérober. Mais enfin, à l'autel, il est allé tomber. Du peuple épouvanté, j'ai traversé la presse pour venir de ces lieux enlever ma princesse et regagner le port où bientôt nos amis viendront couverts du sang que je vous ai promis. Qu'ont-ils fait ? Pardonnez à leur impatience. Ils ont, je le vois bien, trahi votre vengeance. Vous vouliez que ma main portât les premiers coups, qu'il sentît en mourant qu'il expirait pour vous. Mais c'est moi dont l'ardeur leur a servi d'exemple. Je les ai pour vous seuls entraînés dans le temple, madame, et vous pouvez justement vous flatter d'une mort que leurs bras n'ont fait qu'exécuter. Vous seuls avez poussé les coups. Tais-toi, perfide, et n'impute qu'à toi ton lâche parricide. Va faire chez tes Grecs admirer ta fureur. Va, je la désavoue, et tu me fais horreur. Barbare, qu'as-tu fait? Avec quelle furie as-tu tranché le cours d'une si belle vie? Avez-vous pu, cruel, l'immoler aujourd'hui sans que tout votre sang se soulevât pour lui? Mais parle de son sort! Qui t'a rendu l'arbitre? Pourquoi l'assassiner? Qu'a-t-il fait? À quel titre? Qui te l'a dit? Oh Dieu! Quoi? Ne m'avez-vous pas, vous-même, ici, tantôt, ordonné son trépas? Oh, fallait-il en croire une amante insensée? Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée? Et ne voyais-tu pas, dans mes emportements, que mon cœur démentait ma bouche à tout moment? Quand je l'aurais voulu, fallait-il y souscrire? N'as-tu pas dû 100 fois te le faire redire? Toi-même, avant le coup, me venir consulter, y revenir encore, ou plutôt m'éviter? Que ne me laissais-tu le soin de ma vengeance, qui t'amène en des lieux où l'on fuit ta présence? Voilà de ton amour le détestable fruit. Tu m'apportais cruel le malheur qui te suit. C'est toi dont l'ambassade à tous les deux fatale l'a fait pour son malheur pencher vers ma rivale. Nous le verrions encore nous partager ses soins. Il m'aimerait peut-être, il le feindrait du moins. Adieu, tu peux partir. Je demeure en Épire. Je renonce à la Grèce, à Sparte, à son empire, à toute ma famille, et c'est assez pour moi, traître, qu'elle ait produit un monstre comme toi. Que vois-je? Est-ce Hermione? Et que viens-je d'entendre? Pour qui coule le sang que je viens de répandre? Je suis, si je l'en crois, un traître, un assassin. Est-ce Pyrrhus qui meurt? Et suis-je Oreste enfin? Quoi? J'étouffe en mon cœur la raison qui m'éclaire. J'assassine à regret un roi que je révère. Je viole en un jour les droits des souverains, ceux des ambassadeurs et tous ceux des humains. Ceux même des hôtels où ma fureur l'assiège, je deviens parricide, assassin, sacrilège. Pour qui? Pour une ingrate, à qui je le promets, qui même s'il ne meurt ne me verra jamais, dont j'épouse la rage. Et quand je l'ai servie, elle me redemande et son sang et sa vie. Elle l'aime! Et je suis un monstre furieux. Je la vois pour jamais s'éloigner de mes yeux. Et l'ingrate, en fuyant, me laisse pour salaire tous les noms odieux que j'ai pris pour lui plaire. Il faut partir, Seigneur. Sortons de ce palais. Ou bien résolvons-nous à n'en sortir jamais. Nos Grecs, pour un moment, en défendent la porte. Tout le peuple assemblé nous poursuit à main forte. Aux ordres d'Andromaque, ici tout est soumis. Ils la traitent en reine, et nous comme ennemis. Andromaque elle-même, à Pyrrhus si rebelle, lui rend tous les devoirs d'une veuve fidèle, commande qu'on le venge, et peut-être sur nous veut venger Troie encore et son premier époux. Allons, n'attendons pas que l'on nous environne. Nos Grecs nous rejoindront, et tandis qu'Hermione tient encore le peuple autour d'elle arrêté, voilà notre chemin. Sortons en sûreté. Non, non, c'est Hermione, ami, que je veux suivre. À son dernier arrêt, je ne puis plus survivre. Partez, j'ai fait le crime, et je vais l'expier. Hermione, Seigneur, il la faut oublier. Quoi, toujours l'instrument et l'objet de sa rage, cherchez-vous chez les morts quelque nouvel outrage? Et parce qu'elle meurt, faut-il que vous mouriez? Elle meurt, Dieu, qu'entends-je? Et quoi, vous l'ignoriez? En rentrant dans ces lieux, nous l'avons rencontrée qui courait vers le temple, inquiète, égarée. Elle a trouvé Pyrrhus, porté sur des soldats. que son sang excitait à venger son trépas. Sans doute à cet objet sa rage s'est émue, mais du haut de la porte, enfin, nous l'avons vu, un poignard à la main sur Pyrrhus se courber, lever les yeux au ciel, se frapper et tomber. Grâce aux dieux, mon malheur passe mon espérance. Oui, je te loue, ô ciel, de ta persévérance. Appliqué sans relâche au soin de me punir, au comble des douleurs, tu m'as fait parvenir. Ta haine a pris plaisir à former ma misère. J'étais né pour servir d'exemple à ta colère, pour être du malheur un modèle accompli. Eh bien, je meurs content, et mon sort est rempli. Où sont ces deux amants? Pour couronner ma joie, dans leur sang, dans le mien, il faut que je me noie. L'un et l'autre, en mourant, je les veux regarder. Réunissons trois cœurs qui n'ont pu s'accorder. Mais quelle épaisse nuit, tout à coup, m'environne. De quel côté sortir? D'où vient que je frissonne? Quelle horreur me saisit! Grâce au ciel, j'entrevois! Dieu! Quel ruisseau de sang coule autour de moi! Ah, Seigneur! Quoi? Pyrrhus! Je te rencontre encore! Trouverai-je partout un rival que j'aborde? Percé de tant de coups, comment t'es-tu sauvé? Tiens! Tiens! Voilà le coup que je t'ai réservé! Mais que vois-je? À mes yeux, Hermione l'embrasse. Elle vient l'arracher au cou qui le menace! Dieu! Quel affreux regard elle jette sur moi! Quel démon, quel serpent traîne-t-elle après soi? Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? À qui destinez-vous l'appareil qui vous suit? Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Venez, à vos fureurs, Oreste s'abandonne. Mais non! Retirez-vous, laissez faire Hermione. L'ingrate, mieux que vous, saura me déchirer. Et je lui porte enfin mon cœur à dévorer. Il perd le sentiment. Ami, le temps nous presse. Ménageons les moments que ce transport nous laisse. Sauvons-le. Nos efforts deviendraient impuissants s'il reprenait ici sa rage avec ses sens.